Les rassemblements militaro-civils ont eu lieu le 14 à la province du Pyongan du Sud et à la ville de Nampong pour féliciter la réussite à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire qui a manifesté la puissance nationale de la Corée du Sud. Y ont participé les cadres des organismes locaux du parti et du pouvoir, des organisations des travailleurs, les travailleurs des usines, des entreprises, des fermes et les étudiants des écoles supérieures, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée. Après la lecture de la déclaration de l'Institut des armes nucléaires de la République populaire démocratique de Corée, il y a eu des discours de félicitations. Les orateurs ont indiqué que la réussite à l'essai juste de l'explosion de l'ogive nucléaire exécutée à l'occasion de la fête nationale est le plus grand événement qui garantit la prospérité éternelle et la sécurité de la Corée du Sud, et aussi l'événement heureux national qui encourage beaucoup les militaires et civils engagés dans la campagne pour appliquer la résolution du 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Ils ont souligné que tous les militaires, les membres du parti, les travailleurs et les jeunes étudiants doivent garder profondément dans le cœur la fierté de tenir en haute estime le maréchal Kim Jong-un qui, avec le courage sans pareil, renforce parfaitement le potentiel de la puissance Paektusan et défendre le maréchal sur le plan politico-idéologique et au péril de la vie.